he knows. Soigner toutes mes blessures que tous les ans n'ont pas si guéri, que je t'ai perdu, tu m'as...